Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, suite de notre série de fiction Suspicion, épisode 2 et 3. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Suspicion, une série de François Luciani. D'après La Syndicaliste, de Caroline Michel Aguirre. Réalisation, Cédric Ossir. Deuxième épisode, le duel. On prend, on garde, on jette. C'est étrange la mémoire, une gigantesque poubelle. Je ne demanderai qu'à tout oublier, effacer, supprimer, éliminer les instants sales, ces images qui collent à la peau, laver mon cerveau de toutes ces immondices. Mais la force me manque. Il faut rendre des comptes, ou ouvrir les plaies, gratter là où ça fait mal. Dans le nucléaire, on n'aime pas beaucoup les femmes, comme si l'énergie c'était d'abord une affaire d'hommes. Chez Areva, rien n'a jamais été facile. Mais je n'ai rien lâché, même face à la brutalité de mon PDG, le Courcel. Ce jour-là, je m'en souviens, il m'avait donné rendez-vous dans son bureau, à l'étage noble de la tour d'Areva, à la Défense. Il était en retard, comme d'habitude. Je l'attendais en admirant le panorama sur la Seine. Une belle vue, n'est-ce pas ? Oui, en effet. Il est vrai que d'ici, on voit les choses en grand. Et de haut. Oui, monsieur le Président. Vous aviez demandé à me voir. Oui. À quel sujet ? EDF. Quel est votre problème avec EDF ? J'entends toutes sortes de choses à ce sujet, des ragots sur des contrats, des transferts et je ne sais quoi encore. Ne me dites pas que vous vous faites vous aussi l'écho de ce genre de sornettes. En tant que représentant de CFDT du personnel, je dois vous faire part de notre inquiétude, monsieur le Président. Inquiétude ? Mais de quoi ? Vous êtes toujours inquiets, vous, les syndicalistes ? Pas une journée sans que vous ne craigniez que le ciel vous tombe sur la tête. Je vous assure, vous devriez consulter. Vous avez pensé à consulter ? Demandez aux services sociaux, ils ont de bonnes adresses. C'est sans doute le meilleur conseil que je puisse vous donner. Nous sommes inquiets sur l'avenir de notre entreprise, monsieur le Président. Oh, c'est bien ce que je dis, c'est maladif. Si vous êtes fatigué, demandez un congé. Cela vous fera le plus grand bien. Je vous conseille la montagne, c'est très bon pour les nerfs. Nous sommes très inquiets, monsieur. Areva est en pleine croissance. Les contrats abondent. Que voulez-vous de plus ? Nous savons que c'est faux, monsieur. Vous prétendez peut-être en savoir plus que moi, n'est-ce pas ? C'est à peine croyable. Nous savons aussi qu'un contrat de développement avec les Chinois est en cours. Ce contrat contient des transferts de technologie. Vous êtes mal informée, madame. Il ne s'agit que d'un protocole de développement, avec en contrepartie certains échanges d'ingénierie, des technologies très particulières. D'ailleurs, vous y connaissez quoi, vous, en matière de technologie nucléaire ? Vous pouvez me le dire ? Si vous êtes ingénieur, très bien, je vous écoute. Monsieur le Président, ces technologies appartiennent à Areva. Mmh. Nous craignons qu'elles ne soient négociées dans le cadre d'un contrat commercial de développement avec la Chine, ce qui mettrait des intérêts stratégiques français entre les mains d'une puissance étrangère. De quelle technologie parlez-vous, madame ? Certaines technologies... Vous n'y connaissez rien, madame. Rien ! Vous avez fait l'école des mines ? Vous faites partie de l'élite scientifique française ? Vous avez reçu un prix Nobel de physique ? Vous êtes docteur en génie nucléaire ? Si oui, je suis ravi de l'apprendre. Mais quel est votre métier, madame, en dehors du syndicalisme ? Je suis professeur d'anglais. À la bonne heure. Quelle chance. William Blake, Lord Byron et Thomas Hardy, bien sûr. Mon auteur préféré. See the world in a grain of sand. And heaven in a wild flower, hold infinity in the palm of your hand, and eternity in an hour. Voir le monde dans un grain de sable, et le paradis dans une fleur sauvage, tenir l'infini dans le creux de sa main, et l'éternité dans une heure. Tant de beauté. En effet, monsieur le Président, mais... Mais ceci n'a rien à voir avec la physique nucléaire, vous en conviendrez, madame, n'est-ce pas ? Sauf le respect que je dois à votre spécialité... Nous souhaitons avoir copie du contrat de développement avec les Chinois. Vous plaisantez. Le personnel demande à être informé des perspectives de l'entreprise, monsieur le Président. Mais il est parfaitement informé. Non, monsieur. Certains éléments concernant les transferts de technologie avec les Chinois sont gardés secrets. Ces éléments stratégiques sont confidentiels. Ils ne seront communiqués qu'aux représentants de l'État et seulement s'il en fait la demande justifiée, c'est clair ? Au nom de la CFDT et du comité de groupe européen, je vous demande ici de bien vouloir communiquer copie de ces contrats aux représentants du personnel d'Areva, monsieur le président. Mais vous vous prenez pour qui ? Le KGB ? Vous vous croyez en Corée du Nord ? C'est notre droit, monsieur le président. Votre droit ? Mais vous délirez complètement, madame. Vous croyez que je communiquerai des informations d'une telle importance à n'importe qui, pourvu qu'on m'en demande copie ? Ah oui, en effet, vous devriez consulter en urgence. Je vous le demande, monsieur. Il s'agit de l'avenir des personnels d'Areva. C'est Anne Lauvergeon qui vous envoie ? Elle vous téléguide ? Elle est jalouse ? Madame ne digère pas de me savoir assis à sa place depuis qu'elle a été limogée, c'est ça ? Ça n'a rien à voir avec ça, monsieur. Vous me prenez pour un imbécile ? Vous croyez que je ne vois pas clair dans votre petit jeu ? Ah, franchement, c'est minable. Trouvez autre chose. Je fais mon travail, monsieur, au nom du personnel. Mais c'est insupportable ! C'est insupportable, vous m'entendez ? Insupportable ! Sortez d'ici ! Sortez de mon bureau ! Insupportable ! C'était toujours comme ça. Chez Areva, c'était l'habitude. On se tirait dans les pattes. Certains cadres de direction se détestaient, égaux surdimensionnés, ambitions démentielles. Luc Courcel était colérique, toujours à bout de nerfs, et il fallait tout supporter. L'ambiance de travail était délétère. L'intérêt général passait bien après les mesquineries, les luttes de clans et le culte du secret. Fait assez exceptionnel cette semaine, vos syndicats maison ont alerté publiquement. Ils vous demandent la copie d'un accord que vous avez passé avec les Chinois, d'un accord sur un réacteur, parce qu'ils craignent des transferts de technologie. Est-ce que vous leur avez donné la copie de cet accord ? Alors la France, vous savez, travaille avec la Chine depuis 30 ans dans le domaine nucléaire. Et cette coopération, elle a été extrêmement bénéfique, à la fois pour la Chine et pour les entreprises françaises, pas seulement pour Areva, pour EDF aussi, mais pour les dizaines de PME qui ont suivi ce programme. Évidemment, tout travail avec la Chine aujourd'hui pose un certain nombre de questions et crée des inquiétudes que je comprends. Il y a un dialogue social à l'intérieur de l'entreprise. Est-ce que vous leur avez donné la copie de cet accord ? Le comité de groupe procède à la nomination d'un expert. Il y a un expert qui travaille et qui travaillera sur cet accord et à partir de là, qui donnera toutes les informations aux représentations syndicales. Donc pour l'instant, ils n'ont pas la copie. Secret. Dans le nucléaire, c'est le mot qui unit, comme à l'église. C'est une religion. Secret défense, secret stratégique, contrat secret, accord secret, secret, secret, secret. Chut. Les coups en douce, les cachettes, les mystères, silence et langue de bois. On chuchote, on parle bas, comme au confessionnal. Alors, devant le refus de Luc Courcel de communiquer les documents que nous lui demandions, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai alerté le ministre Montebourg, tout fraîchement arrivé à Bercy. On disait de lui tout et son contraire, qu'il aimait les effets de manche et les propos ronflants. À peine arrivé, il avait rebaptisé son ministère de l'Industrie « Ministère du redressement productif ». Tout un programme. Alors Maureen, comment allez-vous ? Mal. Et vous ? Bernard Cazeneuve m'a fait part de vos soucis, en effet. Les salariés d'Areva sont très inquiets des négociations d'EDF avec la Chine. Vous savez qu'en 2010, EDF avait engagé des négociations qui auraient pu aboutir à favoriser un concurrent chinois à notre détriment. Anne Lauvergeon et le gouvernement de l'époque ont bloqué ce projet. Je m'en souviens, en effet. Nous avons des informations selon lesquelles les discussions auraient repris depuis la nomination d'Henri Proglio à EDF par Nicolas Sarkozy. Des négociations menées en secret ? Comme d'habitude. Selon nos sources, EDF voudrait concevoir avec les Chinois un réacteur de moyenne puissance, concurrent de celui sur lequel nous travaillons aujourd'hui. Nos ingénieurs craignent le pillage de notre technologie. Je mesure vos inquiétudes, Maureen. Nous n'ignorons pas qu'Areva rencontre depuis plusieurs années de très graves difficultés financières. Le chantier de construction du premier EPR en Finlande est un véritable gouffre. Cette opération a déjà coûté 2,6 milliards d'euros en pénalités de retard. Et il y a aussi le rachat des mines africaines de la société Uranim pour 1,8 milliard d'euros. Tout cela s'est avéré désastreux. En effet, des choix hasardeux ont été faits. Je sais que l'ambiance dans l'entreprise est détestable. Tout le monde est à couteau tiré. C'est la vérité, malheureusement. Et je comprends aussi votre souci d'éviter les transferts de technologie. Mais de mon point de vue, voyez-vous, il ne faut pas avoir peur de ces transferts. En êtes-vous bien sûr, monsieur le ministre ? Il faut bien mesurer les contreparties qu'on obtient. Comment le faire, monsieur le ministre ? Ces négociations sont secrètes. C'est tout à fait normal. La confidentialité est de règle dans un domaine aussi sensible. Pourrez-vous insister auprès de notre président Luc Courcel afin qu'il vous communique les termes de ces contrats? Vous savoir informé, cela rassurait tout le monde. J'ai d'ores et déjà prévu de convoquer ici les présidents Henri Proglio et Luc Courcel. Je vais les questionner et leur expliquer droit dans les yeux que je suis le seul chef de file du nucléaire français et que rien ne doit se faire sans notre accord. Et alors nous verrons. Nous comptons sur vous, monsieur le ministre. Je vous tiendrai au courant. Ne vous inquiétez pas. Quand je suis sortie de son bureau, j'étais pas plus avancée. J'espérais seulement qu'il tienne parole. Il faut bien le dire, l'expérience m'avait montré qu'en politique, les hommes comme les femmes sont bien souvent versatiles. Il suffit d'un coup de vent pour qu'il ou elle retourne leur veste. Chacun manipule chacune, on s'observe, on s'attend au coin du bois. Dans le nucléaire, c'est un tout petit nombre de personnes qui tient les rênes. Une élite de polytechniciens, de normaliens. Tous membres du très fermé corps des mines, le haut du panier d'un grand corps de l'État. Ils sont sûrs d'eux, de leur savoir, persuadés de n'avoir de compte à rendre à personne. Monsieur Proglio, j'entends des bruits étranges à propos d'EDF. Il paraît que vous poursuivez des négociations secrètes avec les Chinois alors que le gouvernement vous l'interdit. Est-ce exact? Vous savez, monsieur le ministre, on dit tellement de choses. Si on devait prêter l'oreille au moindre ragot... Les personnels d'Areva sont très inquiets sur des transferts de technologies qui affaiblissent leur entreprise. Les syndicats veulent défendre leur emploi. C'est normal, non? Qu'en pensez-vous, monsieur Oursel? Moi, rien. Je n'en pense rien. Je ne sais pas de quelle technologie on parle, donc je n'en pense rien. Monsieur Proglio, de quelle technologie s'agit-il? Il ne s'agit de rien, monsieur le ministre. Nous poursuivons des discussions commerciales dans l'intérêt de notre entreprise. Voilà tout. Et ne craignez-vous pas que dans les contreparties commerciales, des technologies sensibles puissent être cédées à une puissance concurrente sur le marché? Non, monsieur. Il est normal que dans des contrats d'un tel volume, plusieurs dizaines de milliards d'euros, je vous le rappelle, il y a des contreparties. Les échanges industriels sont ainsi faits. Je vous en prie, épargnez-moi vos discours, s'il vous plaît. Je vous repose la question. Poursuivez-vous des négociations secrètes avec la Chine qui mettraient en jeu des technologies qui ne vous appartiennent pas? Que voulez-vous dire? Ces technologies appartiennent à Areva. N'est-ce pas, monsieur Oursel? Encore une fois, monsieur le ministre, nous ne savons pas de quoi nous parlons. Technologie. Essayons d'être plus précis, alors je pourrais peut-être vous répondre. Nous savons que la concurrence entre EDF et Areva est ancienne. Et croyez-vous qu'il soit opportun de risquer des intérêts stratégiques de notre pays en raison de la concurrence à laquelle se livrent deux entreprises françaises qui sont, qui plus est, leaders sur le marché mondial? Mais nous nous complétons, monsieur le ministre. Oui, nous nous complétons. Pourquoi nous ferions-nous de l'ombre alors que nous avons les mêmes objectifs, n'est-ce pas, Henri? Nous sommes comme les 10 doigts d'une même main. Pardonnez-moi, mais cela fait 20 doigts. Non? Mais vous avez raison. C'est beaucoup trop. Ah, les mathématiques. Quel art superbe. Ah, oui. Vous qui êtes avocat, monsieur le ministre, un littéraire en somme, vous ne vous doutez pas de la chance que vous perdez. Oui, en effet, monsieur Oursel, je suis un littéraire, comme vous dites, mais je sais aussi compter sur les doigts de ma main. Surtout la main gauche. Oui, en effet, oui, mais je sais aussi m'aider de la droite, voyez-vous, quand il le faut. Permettez-moi de vous dire, monsieur le ministre, que dans notre domaine, la politique ne suffit pas. Les enjeux sont considérables. Nous sommes au-dessus des débats sociétaux. Vous voulez dire que le ministre de la République serait incapable de juger de la pertinence des choix du nucléaire dans notre pays? Oh, ce n'est pas ce que je veux dire, monsieur le ministre, mais ces dossiers sont si complexes, voyez-vous... Qu'ils nous dépassent parfois, nous-mêmes. Ah, parce que vous vous sentez dépassé par vos dossiers, monsieur Proglio? Non. Mais il est vrai... Que quoi? Enfin, que tout ceci est terriblement technique. Mais alors, vous croyez que la nation, dans sa représentation républicaine, serait incapable de mesurer les enjeux d'investissements industriels, aussi sensibles soient-ils? C'est une question stratégique, monsieur. Seuls des ingénieurs formés au plus haut niveau peuvent en débattre. Monsieur Oursel prêche pas sa paroisse, monsieur le ministre. Il est du corps des mines, alors. Et alors? Moi, je ne suis qu'un humble HEC, un commercial. J'achète, je vends, je dirige mon entreprise. Lui, il conçoit. Il conçoit des systèmes. Il invente. C'est un inventeur. Vous êtes un inventeur, n'est-ce pas, Luc? Je n'irai pas jusque-là. Ne soyez pas modeste. Je le reconnais, le nucléaire demande beaucoup de recherche, de développement, d'essais. Messieurs, pardonnez-moi, de vous le dire aussi franchement, mais j'ai soudain la détestable impression que vous êtes en train de me prendre pour un imbécile. Dites-moi si je me trompe. Mais certainement pas, voyons. En aucun cas, monsieur le ministre du Redressement Productif. Qu'est-ce qui pourrait vous faire penser une telle chose, mon cher Arnaud ? Une certaine arrogance. Vous nous trouvez arrogants ? Oui, oui, c'est le mot, c'est arrogant. Monsieur Oursel, vous croyez-vous au-dessus des lois ? Avez-vous oublié que nous sommes, vous et moi, redevables devant les Français ? Aucune science ne peut s'affranchir de ce devoir républicain, monsieur. Ce que voulait dire Luc, monsieur le ministre, c'est que les discussions commerciales sur le marché international sont extrêmement complexes. Un tout petit nombre d'experts est à même de mener des discussions d'une telle exigence, n'est-ce pas, Luc ? C'est exact. Il n'y a aucune offense à le reconnaître. C'est un fait. Messieurs, autant vous le dire tout de suite, je n'accepterai pas, au nom de la République, que des intérêts stratégiques français soient bradés à une puissance étrangère, en l'occurrence la Chine. Vous pouvez compter sur moi pour tout mettre en œuvre, tous les moyens de l'État, au plus haut niveau, pour interdire le moindre dérapage. Tenez-vous le pour dit, monsieur Proglio. Je suis peut-être un littéraire, mais je sais lire entre les lignes d'un contrat. Est-ce que c'est clair ? Très clair, monsieur le ministre. Alors quant à vous, monsieur Oursel, l'ingénieur du corps des mines, vos mathématiques ne m'impressionnent pas. N'oubliez pas que vous êtes au service de la République, dans l'intérêt des Français, et que vous devez veiller à la bonne marche d'Areva et de son personnel. Il est hors de question qu'un début de transfert de technologie s'opère sans mon accord. T'es compris ? Oui, monsieur le ministre. Au revoir, messieurs. J'espère que je n'aurai pas à répéter à nouveau ce message. C'est bien compris, monsieur le ministre. Au fait, Henri, pour les transferts, soyez prudent. Ça pourrait finir par se savoir. Vous croyez ? Luc Oursel ne croyait pas si bien dire. Quelques jours plus tard, l'info fuitait dans le Canard enchaîné. Le journal cite une note secrète d'Olivier Bourges, numéro 2 de l'Agence des participations de l'État. EDF organise un partage de connaissances très large au bénéfice de CGNPC, la filière publique chinoise du nucléaire. Sur la forme, le comportement de la direction d'EDF n'est pas acceptable. La colère d'Henri Proglio s'abat alors sur la presse, notamment le Nouvel Obs qui relaie l'information. Les officines de Proglio, spécialistes du renseignement et de la surveillance discrète, entrent en action. On écoute, on épie, on surveille tout ce qui peut donner une quelconque information à ce sujet. En septembre 2012, au salon du nucléaire de Pékin, les ingénieurs d'Areva qui s'y sont rendus découvrent une brochure commerciale du groupe public chinois CGNPC qui présente un réacteur de moyenne puissance, l'exact jumeau de l'Atmea, le réacteur conçu par eux-mêmes chez Areva. Allô ? Allô, Maureen ? Oui ? Tu ne vas pas le croire. Qu'est-ce qui se passe ? Les Chinois présentent leur propre version d'Atmea. Ils l'ont appelé ACE-1000, sans prévenir personne. Comment ça ? Ça devait arriver. Depuis le temps qu'EDF leur passe nos plans, ils finissent par avancer tout seuls. C'est du pur plagiat. Ça fait 10 ans qu'on bosse sur ce réacteur. On l'a mis au point, ils nous ont carrément tout piqué. Tout. Un pur plagiat, je te dis. Et on laisse faire. Ah, c'est dingue. C'est plus du partenariat, ça, c'est du vol. Ok, je m'en occupe. J'appelle Luc Oursel. Nous décidons avec la CFDT d'interpeller notre PDG Luc Oursel et tous les représentants de l'État par tous les moyens, y compris par la voie parlementaire. Monsieur le député, cela fait plus d'un an que le comité de groupe européen d'Areva, qui représente 35 000 salariés, alerte nos politiques nationaux sur le partenariat EDF et le groupe public chinois CGNPC et les conséquences sur les pertes de compétences, de savoir-faire, de brevets et d'emplois pour Areva. Comment l'État, actionnaire principal des deux groupes, a-t-il pu laisser faire cela ? Sous les feux de la critique qui avait accusé Henri Proglio d'avoir transmis des secrets industriels sur le nucléaire à un partenaire chinois, le patron d'EDF s'est défendu ce mardi. En visite sur le chantier des deux réacteurs EPR en construction à Taishan, en Chine, il a tenu à se justifier sur le transfert de technologie aux Chinois. En Chine, nous avons transféré la technologie nucléaire. Ils ne l'avaient pas. Et si un parc nucléaire existe en Chine, c'est quand même grâce à EDF. Est-ce qu'on leur a donné les moyens de concurrencer EDF ? La réponse est non. Pourtant, la filière nucléaire française est sous le coup d'une enquête de Bercy. Si vous ne voulez pas vendre d'avions parce que vous avez peur que les gens imitent vos avions, vous n'en vendez pas. Si vous ne voulez pas vendre d'automobiles de peur qu'ils fabriquent des voitures, vous n'en vendez pas non plus. L'inspection générale des finances a été chargée d'examiner les relations entre la filière nucléaire française et ses partenaires étrangers, notamment chinois. Cet examen porte, entre autres, sur les conditions dans lesquelles Henri Proglio a signé, en novembre 2011, un partenariat entre EDF et le chinois CGNPC. D'après Henri Proglio, l'accord tripartite signé avec Areva et CGNPC avait été validé par le gouvernement français. C'était bien la mort d'Areva qu'Henri Proglio souhaitait. Et il utilisait tous les moyens pour parvenir à ses fins, y compris les mensonges les plus éhontés. Mais comment faire la preuve de cette trahison ? La politique prenait le dessus sur les intérêts de mon entreprise. Les personnels d'Areva étaient de plus en plus menacés. En tant que militante syndicale, je ne voyais pas d'autre issue que de mobiliser tous les moyens, toutes les énergies, pour empêcher la disparition programmée de mon entreprise. C'était mon devoir, ma responsabilité, mon engagement. Paris. Domicile d'Anne Lauvergeon. Tout cela n'a rien d'étonnant, ma chère Maureen. Le nucléaire, c'est un panier de crabes. Vous ne le saviez pas ? J'ai cru comprendre, oui. C'est comme ça depuis toujours. Je n'ai jamais réussi à obtenir copie du contrat de développement avec EDF. Cela prouverait la trahison de Proglio et... Je le sais. Les Chinois développent en solo une copie de notre réacteur Atmea. Vous le savez bien mieux que personne. Ce sont des technologies qui appartiennent pourtant à Areva. C'est scandaleux. Oui, nos ingénieurs sont furieux. Ils voient leur travail pillé, abandonné à l'étranger. Anne, que pouvons-nous faire pour empêcher cela ? Proglio me déteste, Oursel me déteste, le pouvoir actuel me déteste, l'ancien pouvoir me déteste aussi. Il faut remonter à Mitterrand pour trouver quelqu'un qui m'aime et qui m'écoute. Vous êtes comme moi, en somme. Tout le monde contre vous. Croyez-vous que je baisse les bras pour autant ? Il faut absolument résister, Maureen. Vous avez raison. Il faut mobiliser votre syndicat et réveiller les autres. Je vous aiderai, je vous assure. Vous pouvez compter sur moi. Arnaud Montebourg m'avait promis d'agir, mais... Ah, sans doute n'a-t-il pas encore pu le faire. Après Fukushima, vous savez, les choses se sont sérieusement compliquées. Que comptez-vous faire ? Écrire un livre. C'est tout ? Ça s'appellera « La femme qui résiste ». Vous croyez que cela changera quelque chose ? Je dirai tout ce que je sais. C'est déjà pas si mal. Et on vous croira ? Peut-être. Le 12 avril 2012, 6 mois avant mon agression, « La femme qui résiste » d'Anne Lauvergeon sortait en librairie. Anne Lauvergeon a raconté sa vie à la première personne, son respect pour François Mitterrand, son refus d'entrer au gouvernement de Nicolas Sarkozy et la haine qui a suivi. J'ai été citée page 106, quelques lignes tout au plus, pour la qualité du dialogue social. Anne Lauvergeon était-elle sincère ? Avait-elle cherché l'appui du syndicat que je représentais pour parvenir à des fins dont j'ignorais tout ? Au fond, n'était-ce pas de bonne guerre ? Je cherchais en vain les traces d'un passé opaque sur les murs blancs de ma chambre. S'ils avaient eu la parole, peut-être auraient-ils pu répondre à la question qui ne me quittait plus. Qui voulait ma peau ? Je surveillais les allées et venues dans le couloir. Je craignais les visites. Je ne voulais plus voir personne. Et surtout ne répondre à aucune question. Il me tardait de rentrer chez moi. Mais y serais-je encore en sécurité ? Bonjour, Madame Carnet. J'ai des bonnes nouvelles. Comment vous sentez-vous aujourd'hui ? Je crois que je serai heureuse de rentrer chez moi. Vous sortez demain. Les analyses sont excellentes. Déjà ? Oui, votre mari nous a appelés. Il viendra vous chercher. Gilles viendra ? Oui, Madame Carnet. C'est très bien, mais... On dirait que ça ne vous fait pas plaisir. Vous avez l'air inquiète ? Oui, un petit peu. Qu'est-ce qui vous tracasse, Madame Carnet ? J'aimerais me sentir en sécurité, mais je sais pas, c'est un peu flou. Il vous faudra un suivi psychologique, c'est normal après un tel choc. Le docteur Simoun est un spécialiste du stress post-traumatique. Je vais parler de vous, vous pourrez l'appeler de ma part quand vous voudrez. C'est bien. Je vous remercie, docteur. Madame Kernel, ne me reste plus qu'à vous souhaiter un prompt rétablissement, comme on dit. Docteur ? Oui ? Madame Kernel, une visite, je peux faire entrer ? Bien sûr, allez-y. Nous avons terminé, n'est-ce pas ? Au revoir, Madame Kernel. Une visite ? Oui, madame, c'est la gendarmerie. Encore ? Mais j'ai rien à leur dire. Ils veulent vous parler. Merci. Bonjour, Madame Kernel. Ce ne sera pas long, je vous assure. C'est juste pour faire le point avec vous. Madame Kernel, votre avocat nous a informé de votre intention de ne pas porter plainte. Mon avocat, maître de Montbrial, m'indique que cela est inutile dans le cadre de cette procédure. Vous confirmez ? Oui, c'est ce qu'il m'a dit. C'est tout ? Oui, pour l'instant. Pourquoi cette question ? Disons que pour le moment, nous n'avons pas grand-chose à nous mettre sous la dent, voyez-vous. Aucune trace de l'agresseur, pas de témoin. Alors je me demandais si vous aviez envisagé de porter une plainte qui ne repose sur... Sur rien. C'est cela que vous voulez dire ? Vous n'avez rien à ajouter à vos déclarations qui nous permettraient d'avancer, Madame Kernel. Je vous ai déjà tout dit. J'ai appris que vous sortez demain matin. Oui. Finalement, votre séjour à l'hôpital aura été rapide. Selon les rapports médicaux, tout va bien. Pas de vilaine blessure, rien d'anormal. Donc, réjouissons-nous, Madame Kernel. Oui, réjouissons-nous. Eh bien, je ne vais pas vous importuner plus longtemps, madame. Nous aurons sans doute l'occasion de nous revoir quand vous serez de retour chez vous. Au revoir, Madame Kernel. Au revoir. Le lendemain matin, à 8h, Gilles, mon mari, était là. Il a pris mes affaires. Nous avons quitté ensemble cette maudite chambre d'hôpital. Qu'est-ce que tu leur as dit aux flics exactement ? Moi, rien. C'est étrange, depuis le début, c'est comme s'ils ne me croyaient pas. Ah, c'est vrai, ils sont bizarres ces flics. Hein. Surtout lui, là, Philippi, le Corse. Le... Mais tu lui as dit quoi au juste ? Je lui ai dit la vérité. Et t'as demandé si j'avais tout inventé ? Pardon ? Je te demande de me dire si les flics t'ont demandé si j'avais tout inventé. Tu peux me répondre ? Oui, ils m'ont demandé ça. Et t'as répondu quoi ? J'ai répondu que c'était impossible, que ça te ressemblait pas, mais... Mais quoi ? Le surmenage avec ta vie à 100 à l'heure, parfois... Parfois c'est... quoi ? Parfois... Mais rien du tout. Qu'est-ce qui se passe, Maureen ? Tu crois que je serais allé dire aux flics que tu serais folle ? Tu prends pour qui ? Je te demande de me dire si tu leur as dit clairement non, elle a rien inventé, elle dit la vérité. Alors tu te méfies de moi maintenant ? Non, mais... Franchement... Oh, excuse-moi, c'est sûrement le contre-coup de la fatigue. N'en parlons plus. Ouais, t'as raison. N'en parlons plus. Gilles, tu crois que quelqu'un aurait intérêt à me supprimer ? Toi ? Oui, moi. Mais qui ? Et si j'étais un témoin gênant ? Avec ton 1m63 et tes 45 kilos ? Désolé de te décevoir, ma chérie, mais tu veux pas le poids. Hein. Pour être un témoin gênant, il faut avoir des dossiers, faire chanter les puissants, comme dans les films de mafia. Hein, tu te donnes beaucoup trop d'importance. Tu crois ? Moi, j'en suis sûr. Alors, tant mieux. Pourtant, je le savais bien. Henri Proglio, avec pour compagnon de route l'homme d'affaires Alexandre Jury et l'ancien secrétaire général de l'Élysée Claude Guéant, avançait la main dans la main avec ses amis bien placés au cœur du système Sarkozy. Le nucléaire à l'échelle de la planète, c'est des milliards et des milliards d'euros, commissions et rétrocommissions non comprises. Nous étions tous espionnés, surveillés. Anne Lauvergeon la première. Dans le domaine de l'atome, au royaume du secret, ils étaient capables de tout. France Inter, affaires sensibles, la fiction. Suspicion. Une série de François Luciani. D'après la syndicaliste. De Caroline Michel Aguirre. Réalisation. Cédric Ossir. Troisième épisode. Le doute. La gauche était au pouvoir depuis mai 2012. Et pourtant, rien ne changeait. Anne Lauvergeon avait raison. Après l'accident de Fukushima survenu en mars 2011, on n'avait jamais autant menti, autant minimisé. Le nombre de morts, les conséquences de la radioactivité dans cette région agricole, les circonstances exactes de l'accident. Fukushima, c'était du nucléaire à pas cher, disait-elle. On voyait le résultat. Proglio continuait son action de destruction d'Areva, qu'il considérait désormais comme un simple fournisseur de son entreprise, EDF, et il ne se privait pas de vendre des technologies françaises dans des contrats commerciaux qui, de toute évidence, laissaient le champ libre à la Chine pour s'approprier le savoir-faire des ingénieurs d'Areva. Mais au lieu de s'intéresser aux contrats commerciaux signés par Proglio, les gendarmes ne me quittaient pas. Ils poursuivaient ce qu'ils appelaient leurs investigations. Versailles, Gendarmerie nationale. Madame Kernet, vous nous dites que vous détenez des informations confidentielles concernant votre entreprise, Areva. Pouvez-vous nous les communiquer ? Pourquoi le ferais-je ? Nous aimerions savoir le degré de confidentialité des documents en question. Pour quelle raison ? Nous pourrons mieux comprendre le mobile de ceux qui, comme vous dites, vous veulent du mal. Il y a des gens qui vous veulent du mal. C'est bien ce que vous nous avez déclaré. Oui, mais... Mais quoi ? Aujourd'hui, le temps a passé. Et... Vous ne vous souvenez plus de rien. C'est ce que vous avez dit au lieutenant Charrier, ici présente, lors de sa dernière visite, n'est-ce pas ? Oui, c'est ce que Madame Kernet a déclaré. Je vous cite, « Je suis fatiguée, les choses se mélangent dans ma tête et je suis plus sûre de rien. » Nous avons besoin de certitude, Madame Kernet. Je vous comprends, bien sûr. Notre travail, c'est de mettre votre agresseur hors d'état de nuire. C'est normal. Si agresseur, il y a, bien sûr. Continuez. Madame Kernet, il y a beaucoup trop de mystères dans votre histoire. Mais que voulez-vous que je vous dise de plus ? Depuis le jour où vous nous avez appelés, nous avons cherché partout. Nous avons lancé toutes les investigations possibles et nous n'avons toujours rien trouvé. Aucune trace, aucun témoin, aucun indice. Vous comprendrez qu'aujourd'hui nous nous interrogeons, n'est-ce pas ? Vous croyez sérieusement que j'aurais pu inventer une telle saleté ? Nous n'avons aucune certitude, madame. C'est bien ça le problème. C'est ignoble. Bah peut-être, mais c'est comme ça. Nous devons avoir des preuves suffisantes. Et pour le moment, nous n'avons rien. Rien, madame Kernet. Rien que vos déclarations. Pour le moins contradictoires. Madame Kernet, les accusations que vous portez sont très graves. Vous avez une idée des incidences ? Je vous ai dit la vérité. Dénonciation mensongère d'un délit imaginaire. Vous risquez 6 mois de prison. Ferme. Oui. 6 mois ferme. Délit imaginaire. Mais que leur fallait-il de plus pour me croire ? Au fond, j'aurais peut-être mieux fait de me taire. Tout garder pour moi. Même le viol. Dans ce genre de choses, les délits imaginaires, comme ils disent, les femmes, souvent, elles préfèrent garder le silence. Elles n'ont pas tort. C'est plus pratique. Cela évite la honte, le scandale. Afficher l'intime au grand jour, comme sur un boulevard. Après tout, ils ont peut-être raison. Et si tout cela n'avait jamais existé, ce serait plus simple. Ni vu ni connu, on oublie tout et on passe à autre chose. Gilles. Quoi encore ? Tu dors ? Oui. C'est quoi pour toi un délit imaginaire ? C'est un truc qui n'existe pas. T'as vu l'heure ? Oui. Ferme tes yeux et compte les moutons. J'ai déjà essayé, ça marche pas. Essaye encore. Et si je leur disais une bonne fois qu'il ne s'est rien passé, que j'ai tout inventé, qu'est-ce que tu dirais ? N'importe quoi. Oui, j'aurais déliré. Un moment d'égarement. Qu'est-ce que tu en penses ? Des conneries. Tu pourrais m'aider tout de même. Mais dis la vérité. C'est simple et ça ne trompe pas. Et c'est quoi la vérité selon toi ? C'est la vérité, point. Ok. Je peux fermer mes yeux maintenant ? Ok. Gilles ? Tu y crois, toi, à mon histoire ? Je te crois, oui. Parce que je t'aime. Je te demande si tu crois à mon histoire. Oui. Vraiment ? Ah oui, pourquoi ? Ils disent que j'ai tout inventé. Surtout elle, la lieutenante. Bah, les flics, ils enquêtent. Normal. Tu l'aimes bien, la lieutenante Charrier ? Bon, je m'en fous. Bonne nuit, Maureen. Merci. Allez, dors maintenant. Repose-toi. On a bien besoin. Est-ce possible que lui aussi doute de moi ? Le doute, entre nous, c'était le pire. C'était ma plus grande peur. Gilles, c'est un fils de communiste. Il n'aime pas beaucoup les flics, mais il leur fait confiance. Il répétait toujours la phrase de son père, un coco bien français. Les flics, ils n'ont pas inventé l'eau chaude, c'est moins qu'on puisse dire. Mais c'est quand même des fonctionnaires qui garantissent nos libertés. Alors... Je n'étais plus sûre de rien. Ni de lui, ni de moi, ni de personne. J'ai pris un deuxième quart de l'exomile et j'ai plongé. Le lendemain, à 8h tapante, j'étais convoquée dans le bureau du capitaine Philippi. Bonjour. Bonjour, madame Kearney. Bonjour, madame. C'est au sujet du viol. Et alors ? Il y a des choses qu'on doit éclaircir. Je vous le répète, je vous ai déjà tout dit. Il y a trop de zones d'ombre dans vos déclarations, madame. Des zones d'ombre ? Ça, oui, en effet. Vous avez retrouvé le violeur ? Le couteau. Selon vous, il est resté 5 heures dans votre vagin. Vous n'avez pas essayé de l'expulser ? Comment ? Je sais pas, moi, pousser, par exemple. Pousser ? Oui, pousser, vous voyez ce que je veux dire. Entre femmes, on se comprend. Non, j'ai attendu, c'est tout. Sans rien faire. Oui, sans rien faire. J'étais tétanisée. Ouais. Ouais, bien sûr. Vous aviez les mains et les pieds attachés avec du scotch. C'est bien cela ? Oui, c'est exact. Les constatations réalisées prouvent que le scotch des pieds a été coupé, mais pas celui des mains. Pourquoi ? Je sais pas. C'est étrange parce que les constatations démontrent aussi que les liens de vos mains étaient lâches. Il suffisait de glisser... Expliquez-nous comment vos liens vous ont été enlevés. Je m'en rappelle plus. Je pensais avoir aidé la femme de ménage, mais elle m'a dit que non. Quand on en a discuté après... Vous avez été entravé pendant près de 6 heures. Vous avez tenté de vous libérer de vos liens. Comment expliquer que vous n'ayez aucune lésion péribucale provoquée par le scotch ? Ni même de traces de lésion au niveau des poignets ? Je sais pas. Bon, autrement dit, madame Kearney, les constatations démontrent que les liens qui attachaient vos mains étaient très lâches et n'avaient pas eu besoin d'être coupés pour être enlevés. Comment expliquez-vous ne pas vous être libéré par vous-même ? J'ai pas réussi à me libérer toute seule. Je comprends pas. J'ai pas d'explication. Ensuite, l'agresseur vous aurait enfoncé le manche d'un couteau de cuisine dans le vagin. Il se trouvait où, ce couteau ? Dans la cuisine. L'agresseur est donc allé chercher le couteau dans votre cuisine. Pourquoi ne vous êtes-vous pas libérée à ce moment-là ? J'étais tétanisée. Et vous n'avez pas cherché à vous enfuir ? Non. Vous n'avez pas eu peur ? Je vous l'ai dit. J'étais terrifiée. Vous n'avez pas crié ? J'étais tétanisée. C'est étrange. Votre chien n'a même pas aboyé. Et les voisins, ils n'ont rien entendu. Mon chien est aveugle, je vous l'ai déjà dit. Pour une syndicaliste comme vous, habituée aux grands meetings, vous n'avez pas crié. Même pas appelé au secours. C'est pas banal. Madame Kearney, autant vous le dire franchement. Nous avons de sérieux doutes quant à la cohérence de vos déclarations. Mais que voulez-vous de moi à la fin ? Réfléchissez bien, madame Kearney. Avez-vous déjà douté, depuis ces derniers jours, de la réalité de votre agression ? Non. Vous en êtes bien sûr? Absolument. Vous savez, Madame Kearney, nous pouvons vous comprendre. Personne n'est à l'abri d'un faux pas, d'un moment de fatigue. Nous connaissons votre caractère fragile. Comment dire, parfois dépressif. Ça suffit, laissez-moi tranquille. Très bien. Comme vous voudrez. Nous nous reverrons, madame. Laissez-moi tranquille. Vous êtes fatiguée, madame. Vous devriez vous reposer. Au revoir, madame Kearney. Au revoir. Moi, elle est mûre. C'est vrai qu'elle était pas loin de craquer. Puis vous voyez, j'avais raison. C'était bien de la voir seule. Sûrement. Les aveux, c'est plus qu'une question de quelques nuits. Combien? Ça dépend de nous. Prochaine étape, la garde à vue. Ok. Ok, chef. Paris. 8e arrondissement. Vous reprendrez un sushi de caviar ou préférez-vous passer à la suite? Oui, mais un seul alors, pas plus. C'est tout? Vous n'aimez pas? Si, mais... Vous savez que ça vient de chez Armocien. Ah, alors... C'est devenu un ami depuis qu'on traite avec les Russes. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Un sacré marché, les Russes. Ils sont très demandeurs. Mademoiselle? Oui? Pourriez-vous apporter quelques fleurs de lotus sur la table, s'il vous plaît? Vous croyez que c'est absolument nécessaire? Selon Aristote, le caviar venait sur la table avec des fleurs et des trompettes. Ah. Alors? Voilà, monsieur. Merci. Et une goutte de vodka aussi. Tout de suite, monsieur. À moins que vous préfériez une coupette de ruinard. Non, merci, un dé de vodka suffira. La légende veut que le caviar ait des vertus médicinales, du mot caviar, gâteau de puissance. Ah, vraiment? Goûtez-moi ça. Voyez-vous, Luc, vous et moi, on est pareil. Nous savons respecter les traditions. Naturellement. Et le sens de l'histoire. Si l'histoire a un sens. La nature est ainsi faite. EDF a toujours été leader et Areva un fournisseur. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Disons que c'est ainsi depuis le début. Depuis Framatome, cela dure depuis 50 ans. Pourquoi changer une équipe qui gagne? Cette folle de l'Auvergeon a voulu changer la donne et faire d'Areva une entreprise indépendante. Un projet totalement mégalomaniaque. D'ailleurs, on voit ce que ça a donné avec l'EPR finlandais. Quand je pense que vous êtes à plus de 3 milliards de frais d'indemnité de retard et que le réacteur ne marche toujours pas. Quel fiasco pour Areva. Certains choix ont été très ambitieux, en effet. Beaucoup trop ambitieux. Comment a-t-on pu se laisser entraîner dans une telle folie? La politique, cher ami, la politique. Anne Lauvergeon avait son réseau. La gauche l'écoutait à l'aveugle, et voilà ce que ça a donné. Vous voulez poursuivre sur cette voie, président Oursel? Certainement pas. Il faut revenir à la raison. Et respecter l'ordre des choses. En effet, je sais où est ma place. Je suis un ingénieur, vous êtes un commercial. Chacun son métier. Je construis, vous vendez. Comme ça, la vie est simple. Soyez rassuré, président, je signerai le prochain protocole de développement commercial avec vos amis chinois. Même pour ce qui concerne les technologies classées secret défense? Si cela est nécessaire à nos obligations. Luc Oursel, à peine arrivé à la tête d'Areva, avait fait le choix inverse d'Anne Lauvergeon, qui l'avait précédé à la présidence d'Areva. Oursel avait opté pour une collaboration étroite avec EDF et son président Henri Proglio, quitte à y perdre son identité. Pour lui, l'important, c'était qu'Areva continue à exister comme une filiale de l'EDF, même si notre entreprise devait prendre le risque d'abandonner son savoir-faire à la concurrence. Mais le capitaine Philippine ne s'intéressait guère à cela. Il voulait juste savoir si j'avais menti. Alors ils ont interrogé mes patrons. Madame Lauvergeon, pensez-vous que Maureen Kearney ait pu faire l'objet de tentatives d'intimidation? Je ne sais pas. Pensez-vous que des hommes mandatés par une officine quelconque aient pu avoir intérêt à faire peur à Madame Kearney? Non. Maureen Kearney détenait-elle, selon vous, des dossiers sensibles? Pas à ma connaissance. Pourtant, vous étiez très proche. J'entretenais d'excellentes relations professionnelles avec elle, du temps où j'étais présidente d'Areva. Ensuite, je ne peux rien vous dire. Vous ne vous êtes jamais revue? Une ou deux fois, peut-être. Pour quelle raison? Maureen était inquiète de certains engagements commerciaux de son PDG Oursel, et elle m'a demandé conseil. Et alors? Alors rien. Pourquoi rien? Ce sont des choses qui sont couvertes par le secret industriel. Donc, Maureen Kearney n'était détentrice d'aucun dossier classé secret? Évidemment non. Pensez-vous que Maureen Kearney ait voulu se donner une certaine importance autour de ces sujets? Maureen Kearney est une personne honnête, une excellente professionnelle. Mais peut-être a-t-elle pu en effet exagérer son influence, la véritable étendue de sa responsabilité. Quelle était-elle? Celle d'une militante syndicale, rien de plus. Monsieur Oursel, pensez-vous que Madame Maureen Kearney ait pu avoir accès à des dossiers sensibles concernant Areva? Qu'entendez-vous par sensible? Des dossiers secrets. En aucun cas. Vous imaginez bien qu'à ce niveau de risque industriel, nous ne laissons pas traîner nos affaires n'importe où. Encore moins sous le nez de syndicalistes peu fiables. Pourtant, en tant que représentante CFDT, elle pouvait avoir accès à certaines informations soumises au conseil d'administration, des informations concernant le personnel, par exemple. Pour tout vous dire, madame, je pense que nous donnons beaucoup trop d'importance à madame Kearney. Ou plutôt, je crois qu'elle se donne beaucoup trop d'importance. Comment ça? Je pense tout simplement que madame Kearney fait son boulot de syndicaliste, rien d'autre. Elle n'a accès à rien. Elle ne connaît rien. Elle ne sait rien. Point final. Tout le reste n'est que commérage, madame. Alors? Elle nous enfume. Elle nous dit qu'elle est amie avec l'Auvergeon, que Lucoursel la harcèle, qu'elle a accès à des dossiers sensibles, qu'il y a un complot, qu'on veut la faire taire. C'est du pur n'importe quoi. Et ni Oursel, ni l'Auvergeon ne confirment? Pour moi, elle est en plein délire paranoïaque. C'est une bipolaire. Ok. On a perdu assez de temps comme ça. On va lui signifier sa mise en garde à vue. Ok, chef. Allô, qui est à l'appareil? Capitaine Philippi, monsieur. Ah, excusez-moi. Vous appelez en appel masqué, alors je me méfie, voyez-vous. Nous voudrions vous voir mercredi prochain. On sera le 23 janvier 2013. À 8h, pouvez-vous venir? Oui, bien sûr, mais... C'est possible? Mon épouse est très fatiguée, voyez-vous. Elle a du mal à dormir et... Nous avons une piste, monsieur. Ah oui? Une piste très sérieuse. Ah, dans ce cas... 6 semaines après, le 17 décembre 2012, date de mon agression, nous nous sommes présentés à la gendarmerie de Versailles, persuadés que nous allions enfin savoir la vérité, le véritable mobile de l'agression, l'identité de l'agresseur. C'était le 23 janvier 2013. Il était 8h du matin. À peine entrés, nous avons été séparés. Ils ont enfermé Gilles dans une pièce et moi dans une autre. Monsieur Hugo, nous ne croyons pas à la version de votre épouse. Nous pensons qu'elle a tout inventé. Pour qui elle se prend, monsieur, votre femme? Je ne comprends pas. Comment a-t-elle pu croire un seul instant qu'elle était du même niveau qu'Anne Lauvergeon ou Luc Oursel? Des normaliens, des polytechniciens, la plus haute élite intellectuelle française. Elle faisait son travail auprès d'eux. Vous êtes entendu ici en tant que témoin. Aidez-nous à la faire avouer. C'est ce que vous avez de mieux à faire. Vous aider à la faire avouer? Vous n'avez pas d'autre choix. Mais je n'ai aucun doute sur ce que ma femme a déclaré. Elle a donné toujours la même version des faits, même à ses amis les plus proches. Votre femme n'a aucun pouvoir chez Areva. Elle n'a aucun moyen d'intervenir sur des contrats qui relèvent de la présidence d'Areva. Ses déclarations sont absolument incohérentes. Le scotch, le couteau et tout le reste, nous n'y croyons pas. Cela ne tient pas de vous, monsieur. Pas une seconde. Vous m'entendez ? Votre épouse a tout inventé. Nous avons réuni les preuves. Je ne vous crois pas. Madame Kearney, à partir de cette minute, vous êtes placée en garde à vue. Nous vous avons informé sur vos droits. Vous pourrez appeler votre avocat si vous en avez un. Savez-vous la raison de cette garde à vue ? Non, madame. Vous êtes ici suspecte au titre du délit de dénonciation de crimes imaginaires. Je vous ai personnellement avertie de cesser de nous mentir, madame. Vous avez persisté. Vous encourez aujourd'hui une peine de 6 mois de prison ferme et 6 000 euros d'amende. Mais c'est moi la victime. Je suis la victime. La victime d'un viol. Vous avez inventé toute cette histoire, madame. Nous le savons. Va falloir avouer maintenant, c'est le mieux que vous puissiez faire dans votre intérêt et celui de votre famille. Laissez-moi partir. Bon, nous allons vous transférer dans un hôpital afin de poursuivre des examens médicaux. Jamais de la vie. Vous n'avez pas le choix, madame. Je veux parler à mon avocat. En tant que suspecte, c'est votre droit. Emmenez-la. Je veux parler à mon avocat. Je veux parler à mon avocat. Ils m'ont fait subir toutes sortes d'examens et je me suis laissée faire. J'ai parlé avec un psychiatre expert de l'administration pénitentiaire. Il m'a écoutée. Lui aussi, il m'a posé toutes sortes de questions. Mais il n'a jamais douté. Comment mon esprit aurait-il pu divaguer à ce point ? Inventer le viol ? Le couteau dans mon vagin ? Victime ? Coupable ? Je sentais la peur m'envahir. Avouer. Mais quoi ? Mon corps me faisait honte. Mes mains tremblaient faute de calmant. La force me fuyait. Le délire comme un gouffre m'effrayait. Je n'avais plus qu'une seule envie. Pleurer et mourir. Suspicion, une série de François Luciani, d'après La syndicaliste, de Caroline Michel Aguirre. Avec Marilyn Canto, Charlie Nelson, Claire Dumas, Robinson Stévenin, Johanna Nizar, Olivier Peigné, Gabriel Ledose, Guillaume Durieux, Emmanuel Ménard, Laurence Maslia, Gérard Cherki, Karina Testa, Philippe Saïd, Yiling Yang et la voix de Stéphanie Pasquet. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage et mixage, Bernard Laniel, Éric Villenfin. Assistante à la réalisation, Sophie Pierre. Réalisation, Cédric Ossir. C'était Affaires Sensibles, une série intitulée Suspicion. Demain, épisode 4.